Petite somme théologique de saint Thomas d'Aquin, par l'abbé Frédéric Le Breton. Question 93. Du culte illégitime. Le culte illégitime est pernicieux ou simplement superflu? 1. Peut-il se mêler quelque chose de pernicieux dans le culte du vrai Dieu? Tout culte qui exprime des faussetés est un culte pernicieux. Or, un culte peut exprimer une fausseté par sa nature même. Aujourd'hui, par exemple, sous la nouvelle alliance où les mystères du Christ sont accomplis, ce serait exprimer le faux que de pratiquer les cérémonies de l'ancienne loi, qui représentaient comme futurs les mystères du Christ. Elles équivaudraient à proclamer de vive voix que le Christ doit souffrir. Le culte peut exprimer ensuite une fausseté par l'action de celui qui le rend. C'est ce qui a lieu principalement lorsque, dans le culte public, rendu au nom de l'Église, on se sert de rites sacrés contraires à ceux que l'Église elle-même a établis par son autorité divine. 2. Peut-il y avoir quelque chose de superflu dans le culte du vrai Dieu ? La fin du culte divin, c'est que l'homme glorifie Dieu en lui soumettant son esprit et son corps, aussi ce que l'on fait pour l'honorer et pour modérer ses passions conformément aux lois divines et ecclésiastiques, n'a rien de superflu. Mais si on mêle au culte divin des pratiques qui n'honorent pas Dieu, qui n'élèvent pas l'âme vers le ciel ou qui ne répriment pas les mouvements désordonnés de la concupiscence, si on agit contre ce qui a été établi par Dieu lui-même et par l'Église, c'est une superfluité superstitieuse, ces actes extérieurs n'appartiennent pas au vrai culte intérieur. Voilà pourquoi saint Augustin oppose aux superstitieux qui s'attachent avant tout aux pratiques extérieures, ces paroles de saint Luc 17, 21, « Le royaume de Dieu est au-dedans de vous ».